Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours, oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour? Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser, nous réveiller tous les matins aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit, de ne désirer rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, nos sentiments nous ont liés bien malgré nous, sans y penser à tout jamais. Des sentiments plus forts et plus violents que tous les mots d'amour connus et inconnus. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru. Jamais, ne me dis jamais que tu m'aimeras toujours, oh mon amour. Jamais ne me promets de m'adorer toute la vie. N'échangeons surtout pas de tels serments, me connaissant, te connaissant. Gardons le sentiment que notre amour jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain.